Wish City, le centre de surveillance militaire. Grand Général ! Grand Général ! Les rats arrivent sur Wish City, c'est ça ? On va tous y passer, c'est ça que tu veux me dire, soldat ? Non, Grand Général, pas du tout. C'est pas ça. En fait, les rats changent de trajectoire dans la plupart des galeries. Il semble qu'ils contournent Wish City et se réunissent tous à la galerie Est. Le Grand Trou ? C'est ça ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous au Grand Trou ? Galerie 21A, au même moment. Attrape ça, sale rat ! Allez, les creusers ! On se laisse pas faire par ces rats et... Je laisse mourir, fille ! Ça va, petit. Ça va. Vous avez plus de jambes. Le rat voulait à manger, mais je l'ai tué après, Chef Moriarty. Une balle comme ça. Hop, prends les deux yeux. C'est bien, Friedrich. C'est bien. Mais après, il y a quelqu'un qui m'a cassé mon fusil. Je meurs, petit. Je meurs, Friedrich. Oh, j'en ai marre qu'on me casse des trucs. Oui, mais je meurs, là. Non, Chef. Non, Chef. On va pas me casser mon Chef à moi, quand même. Tenez le coup. Il y a plein de choses à creuser encore. Les rats repartent. Waouh! On a gagné, Chef! On a gagné, Chef Moriarty! Ouais. Oh. Oh. On a gagné. Chef! Répondez-moi! Chef Moriarty! Chef Moriarty! Chef! Non! Pas mon Chef! Non! C'est pas vrai! Tu peux pas mourir! Tu peux pas mourir! On a encore des tonnes de galeries à crever! Et tu verras, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Et on t'aimera encore, même quand l'amour sera mort. Chaque victoire a son prix. Il en est d'autres bien plus lourds à payer. Wish City, le Grand Palais. Asseyez-vous sur votre trône, Grand Dirigeant, allez-y. Vous allez mieux, Grand Dirigeant. Voulez-vous boire quelque chose, Grand Dirigeant? Un petit rafraîchissement ou une boisson chaude? Ma fille, ma petite fille, Mila. Où est Mila? On la recherche activement, Grand Dirigeant, on la recherche activement, ne vous inquiétez pas. La guerre, on la perd, n'est-ce pas? On va tous y passer. Les rats vont nous croquer, nous bouffer, nous digérer. Oh, j'ai causé la perte de Wish City. Mais non. Et je n'ai même pas pu voir le concert de Maniki en entier. Oh, misère. Ne vous inquiétez pas, Grand Dirigeant, je vous jure que... Non ! Je suis sûr que des rats la mangent, que des rats lui... Oh, les rats ! Ils nous tueront tous et... Grand Dirigeant ? Grand dirigeant, réveillez-vous. Messieurs, le grand dirigeant vient de décéder d'une crise cardiaque. Oh, dur. Le grand dirigeant de Wish City n'est plus. Alors, Wish City n'est plus. Les chutes, au même moment. Atis, aidez-moi à me lever, Seigneur. Mes jambes ne me portent plus, je suis froid, si mal. Normal, petite fouine. La maladie te ronge, tu meurs. Lâche ma patte. J'ai des choses plus importantes à faire que m'occuper de toi. Non, Seigneur, ne m'abandonnez pas. Seigneur, non, j'ai mal. J'ai ça, c'est ça, partez tous. Mila, je t'aurai, je te jure, un jour... Tu feras ma femme et Squeak, on le fouettera à mort. Vous on lui fera bouffer des pelles et... Oh non, pas ça. J'ai froid et... Dans les tunnels, nous foncions à bord de notre petit chariot de misère. Je crois qu'il va pas tenir trop longtemps. Ouais, on approche de la galerie Est et... Tourne ! Boost, l'échangeur ! Boost est aussitôt penché au bord du chariot pour attraper la manette de l'échangeur. Nous avons tourné dans un autre tunnel alors que des centaines de rats s'amassaient derrière nous, soufflant, grognant, courant à en perdre haleine. À ce stade-là du plan, j'aurais dû être le seul à servir d'appât jusqu'à la galerie Est, jusqu'au grand trou. On prend pas le bon chemin! C'est un tunnel de secours! C'est pas grave, on arrivera quand même à la galerie Est! J'ai tourné la tête derrière nous. Un rat venait de sauter au bord du chariot, ses griffes à quelques centimètres de Mila, sa gueule grimaçante, ses crocs luisants à la lumière des torches. Vire de là! Vire de là, toi! Miam, miam, petit gnome! Vous irez pas loin! Vous irez pas loin! On va vous manger! Prends ça! Bouze lui a asséné un coup de pioche sur le museau. Le rat est tombé en couinant et a roulé sous les pas des siens, disparaissant dans un nuage de poussière et un amas de rats. Devant nous, à quelques mètres, la lumière du grand trou luisait. Bah, fouiche.